Bastien. Y a pas de mal à se faire du bien. La vie c'est du cinéma qu'on ne regarde qu'une fois. Pourquoi bouder son désir quand y a de la gêne, y a pas de plaisir. Moi je dis tout simplement, c'est beau la vie à 25 ans. Y a pas de mal, tu sais, à se faire du bien. La la la, y a pas de mal et ça ne coûte rien. Tu réfléchis, tu t'inquiètes, tu calcules et tu perds la tête. Pourquoi chercher à comprendre? Prends ce qui se laisse prendre. À toujours forcer ton cœur, tu passes à côté du meilleur. Y a pas de mal, tu sais. À 25 ans.